الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب، الذي لانت لقدرته الشدائد الصلاب، والذي خضعت لعظمته الرقاب. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، سيد أولي الألباب، وعليه أنزل أفضل كتاب، وبه بدد الله جل وعلا الظلمات والضباب، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى جميع الأصحاب والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحساب. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de tous les Seigneurs, l'auteur de toutes les causes et le créateur de sa créature de terre. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé, le pardonneur des péchés, l'accepteur du repentir et le sévère en châtiment, celui devant lequel se soumettent toutes les forces puissantes, celui devant lequel se rabaissent toutes les nuques. Et je témoigne que notre prophète Mohammed est son serviteur et son messager, le maître des doués d'intelligence, celui sur lequel a été révélé le meilleur des livres, et celui par lequel Allah Jalla wa Ala a éclairé et illuminé les ténèbres et l'obscurité. Oh Allah, évoque-le en bien auprès de toi dans les grandes assemblées, et préserve-le de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, et accorde-lui ta bénédiction, à lui ainsi qu'à sa noble famille, à tous ses compagnons, à ses bien-aimés et à tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour du jugement. Mes chers frères et sœurs, ceci est notre 10e rencontre parmi les rencontres de notre série Marahil ad-Dar al-Akhirah, étape vers la demeure dernière. Une série qui rassemble Fiqh al-Janaiz, la jurisprudence funéraire, Warraqa'iq, et l'attendrissement des cœurs. Et nous avions certes évoqué lors de notre dernier discours, nous avions certes parlé de la prière sur le mort, de la récompense qui attend celui qui l'accomplit, et des lois juridiques la concernant. Et ainsi, après avoir prié sur le mort, que ce soit dans la mosquée ou dans un autre lieu de prière, il nous incombe dès à présent de l'enterrer. Car l'enterrement représente un honneur de la part d'Allah Azza wa Jal. Et ceci fait partie des bienfaits qu'Allah Jalla wa Ala a accordés envers les fils de Adam alayhi salam. Car Allah n'a pas laissé son cadavre comme le reste des cadavres jetés parmi les déchets. Et Allah nous a ainsi cité dans le Coran, a ainsi cité cela afin de montrer et de prouver que ceci est une faveur qu'il nous a comblée. Allah Jalla wa Ala nous dit: قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. Que périsse l'homme qu'il est ingrat. De quoi Allah l'a-t-il créé? D'une goutte de sperme, il le créa. puis il lui détermina son destin, puis il lui facilita son chemin, puis il lui donna la mort et il le mit au tombeau. Plusieurs interprètes du Coran ont évoqué que la première personne qui a établi et qui a instauré l'enterrement est l'un des fils de Adam alayhi salam, lorsque celui-ci a tué son frère. Ainsi, lorsque son âme l'incita à le tuer, il le tua et devint ainsi du nombre des perdants al-khasirun, et de ceux qui rendent les remords sur ce crime odieux. Et là, il hésita et ne savait que faire de son cadavre de son frère. Et soudain, Allah envoya deux corbeaux en train de s'entretuer. Puis l'un tua l'autre et alors gratta sur la terre afin de l'enterrer. Alors l'un des fils de Adam, celui qui a tué, aperçut cela et enterra son frère de cette façon. Et ainsi, ceci devint une pratique chez les fils de Adam. Mais certes, il nous incombe, mes chers frères et sœurs, il nous incombe avant d'enterrer le mort et avant de préparer sa tombe, d'apprendre certaines lois juridiques. Et ainsi, nous ne parlerons pas aujourd'hui de la manière d'enterrer un mort, car beaucoup d'actions et beaucoup de lois se doivent d'être évoquées, apprises et appliquées. Premièrement, mes chers frères et sœurs, nous nous devons de veiller à ce que notre mort soit enterrée parmi les tombes des gens pieux, des gens vertueux et adorateurs. Car le bon voisinage est un bienfait qu'Allah nous a accordé durant la vie ainsi que pendant la mort. C'est pour cela que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, cherchait refuge auprès d'Allah contre le mauvais voisin, comme il fut rapporté par l'imam al-Nasa'i et par l'imam Ibn Hibban, avec une chaîne de transmission bonne selon Abi Hurayra radiallahu anhu, que le prophète alayhi salat wa sallam a dit: « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le mauvais voisin, dans la demeure de la stabilité, car le voisin de la campagne déménage. » Et la demeure de la stabilité, Darul Muqama, est la demeure dernière. Et la preuve en est ce qu'Allah nous dit dans Sourate Fatir. Allah nous dit: وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ. Et ils diront: louange à Allah qui a écarté de nous l'affliction. Notre Seigneur est certes pardonneur et reconnaissant. C'est lui qui nous a installés par sa grâce dans la demeure de la stabilité, où nulle fatigue ni lassitude ne nous touche. Et la tombe est la première demeure des demeures dernières. C'est pour cela qu'il nous incombe que notre mort soit enterrée parmi les tombes des gens vertueux et pieux. Et de même, l'imam al-Bukhari rapporte un hadith avec une chaîne de transmission bonne. Selon Abi Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le mauvais voisin dans la demeure de stabilité, et certes le voisin du monde d'ici-bas déménage. Et nous avons dit que la chaîne de transmission de ce hadith est bonne, car il est confirmé par le hadith précédent que nous avons cité et qui est rapporté par l'imam al-Nasa'i, ainsi que le hadith suivant, rapporté par l'imam al-Tabarani, avec une chaîne de transmission authentique. Selon Uqbat ibn Amir radiallahu anhu, le prophète alayhi salat wa salam invoquait Allah en disant: ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le mauvais voisin, contre la mauvaise nuit, contre la mauvaise heure, contre le mauvais compagnon et contre le mauvais voisin dans la demeure de la stabilité. Et c'est pour cela, certes, qu'il est recommandé et qu'il est fortement conseillé de mourir et d'être enterré dans la ville du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et certes, la personne qui aura atteint et bénéficié de ce bienfait aura certes atteint un immense honneur, car le prophète alayhi salatu wa salam intercédera en sa faveur. Et c'est pour cette raison que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a envoyé son fils Abdullah à la mère des croyants Aisha radiallahu anha, afin d'avoir et d'obtenir son autorisation pour qu'il soit enterré à côté de son bien-aimé Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith fut rapporté par l'imam al-Bukhari. Et de ce hadith, l'imam al-Hafidh ibn al-Hajar, rahimahullah, a dit que ce hadith prouve que l'on se doit d'être assidu dans le fait d'enterrer nos morts près des tombes des pieux, afin que ceux-ci bénéficient de la miséricorde d'Allah lorsqu'elle descendra sur eux, et afin qu'ils bénéficient des invocations des gens lorsqu'ils viendront visiter leur tombeau. Et sachez certes que l'homme souffre du mauvais voisin, wal'iyadu billah. L'homme souffre du mauvais voisin, et certes le mauvais voisin est nuisible à l'homme vivant ou mort. Tout comme l'homme jouit du bon voisin vertueux, vivant et mort. Et c'est pour cette raison qu'il est interdit d'enterrer le musulman avec le mécréant, comme il est interdit d'enterrer le mécréant avec le musulman. Et écoutez attentivement, car ce sujet est d'une importance considérable. Il est interdit d'enterrer les musulmans avec les mécréants, comme il est interdit d'enterrer les mécréants avec le musulman. Et la preuve en est ce qu'a rapporté l'imam Ahmed, ainsi que l'imam al-Nasa'i, et l'imam Abu Daoud, avec une chaîne de transmission authentique, selon Bashir ibn al-Khassasiyyata radiallahu anhu. Celui-ci dit un jour, je marchais avec le prophète alayhi salat wa salam en tenant sa main. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se retourna vers moi en me disant, ya ibn al-Khassasiyya, pourquoi te vois-je ce matin comme si tu en voulais à Allah? Bashir, radiallahu anhu, était certes un peu triste, car il était loin de sa famille, et car il était loin de sa tribu, et car il était resté trop célibataire. Alors, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit cela pour lui faire rappeler du bienfait qu'Allah lui avait accordé, pour lui faire rappeler le bienfait de l'islam, et le bienfait qu'il était musulman, et qu'il était en compagnie de la meilleure créature, sallallahu alayhi wa sallam. Et alors Bashir répondit, je sacrifierai ma mère et mon père pour toi, ya Rasulallah. Mais wallahi, je n'en veux rien à Allah, car il ne me veut que du bien. Puis il ajouta, alors le prophète, alayhi salat wa sallam, passa devant les tombes des associateurs. Et alors il s'écria, sallallahu alayhi wa sallam, ceux-là ont certes raté beaucoup de bien. Puis il passa devant les tombes des croyants et dit, ceux-là ont certes bénéficié de beaucoup de bien. Et les savants ont déduit que ce hadith prouve qu'il faut absolument éloigner les tombes des croyants des tombes des mécréants. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que les tombeaux des associateurs étaient exposés à un châtiment, à une souffrance et à un courroux de la part d'Allah Azza wa Jal, alors que les tombeaux des croyants et monothéistes étaient plongés dans une miséricorde et dans un honneur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Lors de la bataille de Tabouk, comme il fut rapporté dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari et celui de l'imam Muslim, selon Abdallah ibn Umar radiallahu anhuma, celui-ci a dit, le prophète alayhi salat wa salam arriva avec ses compagnons près du village de Thamoud. Il leur dit, sallallahu alayhi wa sallam, n'entrez dans les villages de ces damnés et de ces châtiés qu'en pleurant, de peur d'être frappés et d'être atteints par ce qu'ils ont reçu comme châtiment. Et alors si le prophète alayhi salat wa sallam a interdit à ses compagnons d'entrer dans des villages de ces châtiés, de ces gens damnés et châtiés et bannis, en tant que mécréants et associateurs, égarés, alors qu'en est-il du fait d'enterrer un musulman parmi eux? Et c'est pour cela que Ibn Umar radiallahu anhuma nous dit que le prophète alayhi salat wa sallam détourna sa tête, couvra son visage et pressa le pas jusqu'à dépasser la vallée. Et que la miséricorde d'Allah couvre le savant de l'islam, Shaykhul Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah, lorsqu'on lui demanda où enterrer une femme chrétienne qui est morte avec un fœtus musulman, car son père était musulman. Alors il dit, rahimahullah, que cette femme ne devait être enterrée ni dans les cimetières musulmans, ni dans les cimetières chrétiens. Non dans les cimetières chrétiens, car elle avait un fœtus musulman. Et non dans les cimetières musulmans, car elle était mécréante. Et on a interdit d'enterrer les mécréants parmi les musulmans. Et on a interdit d'enterrer les musulmans parmi les mécréants. Et il a donc dit, rahimahullah, qu'il fallait l'enterrer à part. Et faire en sorte que son dos soit dirigé vers la Qibla, pour que son fœtus soit dirigé vers la Qibla, car le visage du fœtus est placé vers le dos de sa mère. Et les savants se sont mis d'accord à ce sujet, car ce fœtus était musulman du fait que son père du fait que son père le soit. Alors certes, quelle jurisprudence possède ce savant ? Ayyuhal muslimoun, vous qui êtes sages et raisonnables, sachez qu'il est interdit d'enterrer les musulmans dans les cimetières qu'on appelle carrés de musulmans. Et nous jurons par Allah que c'est interdit, car ces tombes se situent à proximité des tombes des gens du châtiment et de la souffrance, parmi les associateurs et les mécréants. Alors il est obligatoire pour nous, et il nous incombe, soit en tant qu'association musulmane, soit en tant qu'organisation, soit en tant qu'imam des mosquées, ou étudiant en sciences religieuses, ou prêcheur vers Allah Jalla wa Ala, de stimuler la volonté et les efforts pour trouver des cimetières pour nos morts dans ce pays. Car ceci fait partie de nos droits. Il faut ainsi tout consacrer et tout ce qu'on a comme argent et moyens pour cela. Et il faut de même négocier de la meilleure façon. Car Iwallah, ceci est très dangereux pour nous. Alors où sont les cimetières des musulmans? Et nous pouvons vous certifier, parmi les présents et parmi les gens qui nous écoutent, que certains se fichent carrément de ce sujet. Ils pensent qu'ils sont éternels dans leur vie, ou bien ils pensent qu'ils seront enterrés dans leur pays. Et ceci, malheureusement, est contraire à la sunna. Le fait de déplacer le mort du pays où il est mort, ceci est contraire à la sunna. Comme vous savez tous que lorsqu'on a un mort, on veut l'emmener dans son pays d'origine. Alors il reste environ une semaine dans la mort, et il sera touché par les mains des non-croyants. Et ceci lui fera beaucoup de mal, sans aucun doute. Et nous jurons par Allah qu'il y a quelques années, nous avons été invités avec deux frères en Allah pour accomplir une prière sur un jeune musulman. Nous y sommes allés afin de prier sur lui et d'assister à ses funérailles. Et alors nous nous sommes arrêtés devant un cimetière chrétien. Et là nous leur avons dit qu'il est interdit de l'enterrer ici. Et alors ils ont dit qu'ils n'avaient pas trouvé d'autre endroit, excepté celui-là. Croyez-nous, mes chers frères et sœurs, nous avons prié sur lui, entre les tombeaux des chrétiens, et il a été enterré par deux chrétiens, et entre deux chrétiens. Tel est l'état des musulmans dans ce pays. Les musulmans ici ne pensent pas à ce sujet. Les musulmans ici ne vivent pas pour leur religion. Ils ne vivent que pour leur passion, leur instinct et leur pulsion. Les musulmans ici ne pensent même pas à ce sujet. Les musulmans vivent pour leurs vacances d'été, pour construire des villas, pour construire des châteaux dans leur pays, afin de s'en vanter devant leurs frères. Et ils ne vivent pas pour triompher leur religion, et la religion de la meilleure des créatures, alayhi salatu wassalam. Et wallah, depuis combien de temps les musulmans vivent-ils dans ce pays? Depuis combien de temps sont-ils entrés dans ce pays? Et quel est leur nombre? Et quel est leur poids dans ce pays? Et qu'ont-ils donné pour la religion d'Allah Jalla wa Ala? Ou bien qu'ont-ils donné pour leur génération et leurs enfants à venir? Et alors si quelqu'un nous demande, mon cher frère, tu incites les gens à trouver des cimetières pour les musulmans, mais moi je ne veux pas être enterré ici. Moi je veux être enterré dans mon pays d'origine. Alors nous lui disons, mon cher frère en Allah, akhi fillah, ceci est le contraire de la sharia et le contraire de l'origine et des preuves évidentes. À condition que le musulman puisse être enterré entre les tombeaux des musulmans. Car les morts se font transporter vers un autre pays qu'en cas d'urgence et qu'en cas de nécessité extrême. Et si tu nous dis tu autorises à enterrer les musulmans, alors que ce pays n'est pas musulman, alors nous lui répondons. Est-ce certes que si tu es enterré toi ou un autre mort dans un pays mécréant, vous serez les premiers ou les seuls à être enterrés dans un pays mécréant? Alors que certes fut enterrée Umm Haram, une compagne du prophète alayhi salatu wassalam, n'est-elle pas morte et enterrée dans un pays non musulman même de nos jours? Et un autre compagnon, Abu Ayyub al-Ansari radiallahu anhu, n'est-il pas mort et enterré sous les terres de Constantinople? Et beaucoup de compagnons du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, ne sont-ils pas morts dans plusieurs pays non croyants et ainsi enterrés là-bas? Et leurs tombes témoigneront pour eux le jour de la résurrection. Ils sont sortis pour appeler à la religion d'Allah Jalla wa Ala, dans le but de propager la religion d'Allah Jalla wa Ala, et dans le sentier de la ilaha illallah. Alors certes, si tu étais vertueux, et certes si tu désirais servir cette religion, et si tu évoluerais, et tu te remuerais pour cette religion, tu saurais et tu comprendrais que d'être enterré dans ce pays est préférable et mieux pour toi que de t'envoyer dans ton pays d'origine. Et wallah, et la preuve en est, car nous ne prenons pas la parole sans donner de preuves. La preuve en est ce qu'a rapporté l'imam al-Nasa'i, et l'imam ibn Majah, et l'imam ibn Hibban, un hadith jugé hassan, jugé bon par Cheikh al-Albani rahimahullah, selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhuma. Celui-ci nous dit, une personne est née à Médine et est morte à Médine. Et alors le prophète alayhi salat wa salam se leva, fit la prière sur lui, puis dit, si seulement il était mort dans un autre lieu que son lieu de naissance. Et alors les compagnons radiallahu anhum lui dirent, mais pourquoi ya Rasulallah? Alors il répondit alayhi salat wa salam, pour un homme qui n'est pas mort dans son lieu de naissance, il aura certes et possédera au paradis un terrain aussi vaste que la distance entre son lieu de naissance et son lieu de mort. Cela signifie que de son lieu de naissance jusqu'à son lieu de mort, toute cette distance lui appartiendra au paradis. Et ce hadith ne contredit pas le hadith qui évoque le bienfait de mourir dans la ville d'El-Médine. Il y a une différence entre ces deux hadiths. Une personne qui est née là-bas, ou une personne qui y émigre, est patiente dans ces moments, puis y meurt, n'est pas comparable à une personne qui sort de là-bas pour appeler les gens vers Allah, Jalla wa Ala. Et mes chers frères et sœurs, nous disons en toute simplicité que si vous travaillerez pour votre religion, et que si vous étiez vraiment des personnes bienfaisantes, et que si vous aidiez à exécuter de bons projets, dans ce cas, si vous mourrez dans un pays qui n'est pas votre lieu de naissance, alors, yuallah, ceci serait un bienfait pour nous et pour vous, à condition que vous soyez enterrés entre les musulmans. Alors, où sont les gens sages? Où sont les musulmans riches? Est-ce que l'on trouve cette idée et cette conscience parmi les gens musulmans et parmi les gens raisonnables sur le fait de trouver des cimetières pour eux? Yuallah, construire et créer des cimetières représente des œuvres parmi qui ont des récompenses qui ne cesseront pas auprès d'Allah et Azza wa Jal. Certes, les bons prédécesseurs veillaient à créer des cimetières, et ceci afin d'obtenir la récompense que le prophète alayhi salat wa salam nous a promis, et celle qu'il a citée dans le hadith de Abi Rafi'a radiallahu anhu, rapporté par l'imam al-Bayhaqi et par l'imam al-Hakim selon les conditions de l'imam muslim et selon les conditions de l'imam al-Dahabi. Un hadith que Cheikh al-Albani a confirmé également, où le prophète alayhi salat wa salam a dit, celui qui creuse une tombe pour un mort et qu'il l'inhume, Allah lui inscrit une récompense équivalente à celle de construire une demeure qui l'abrite jusqu'au jour de la résurrection. Un hadith considérable et merveilleux. Alors mon frère, si tu creuses une tombe pour un musulman, et que tu l'enterres, ou que tu donnes de ton argent pour créer un cimetière pour les musulmans, Allah te donnera une récompense équivalente au fait de construire une maison pour abriter ce frère gratuitement, et ce jusqu'au jour du jugement. Et certes, quiconque abrite un croyant, Allah l'abritera. Et quiconque voile un croyant, Allah le voilera dans ce bas monde d'ici-bas et dans l'au-delà. Et le fait de voiler ton frère dans une tombe parmi les frères musulmans, ceci représente une grande récompense que l'on se doit de ne pas délaisser, mes chers frères et sœurs. Et ce hadith prouve que l'enterrement ou le fait de creuser une tombe sont parmi les adorations qu'Allah récompense. Mais certes, la récompense n'est destinée qu'aux croyants. Car parmi les lois juridiques, l'adoration n'est pas acceptée de la part du mécréant. Il est ainsi interdit que les non-musulmans creusent des tombes pour les musulmans. Et une fois, nous avons vu deux non-musulmans en train d'enterrer un musulman. Et nous avons assisté à ces funérailles. Mais nous ne pouvions rien faire car la loi l'interdit et on ne doit pas s'opposer à la loi de ce pays. Ainsi, il est obligatoire que l'on ait des cimetières pour les musulmans, que ce soit nous, et que ce soit nous qui enterrions nos morts, et ne pas confier cela à des mécréants. Mais il est certes autorisé qu'un musulman enveloppe et qu'un musulman cache le corps d'un mécréant dans une tombe, qu'en cas de nécessité extrême, ou s'il y a un lien de parenté entre les deux. L'imam Ahmed et l'imam Abu Daoud et l'imam Al-Nasa'i rapportent avec une chaîne de transmission authentique, selon Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Celui-ci dit, lorsque son père Abu Talib est mort, il est allé voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, ya Rasulallah, ton oncle le vieux égaré est mort, que puis-je faire? Alors il répondit, alayhi salatu wassalam, va le cacher dans une tombe et ne fais rien jusqu'à ce que tu reviennes me voir. Et remarquez, mes chers frères et sœurs, il ne lui a pas dit, va l'enterrer. Et nous allons montrer la différence entre ces deux actions. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu lui dit, Ya Rasulallah, il est mort en tant que non-musulman. Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, va le cacher dans une tombe. Ali radiallahu anhu lui dit, je suis allé le faire. Je suis allé faire ce que je devais faire, puis je suis retourné voir le prophète alayhi salatu wassalam. Et il m'a dit, va te laver et ne fais rien jusqu'à ce que tu reviennes me voir. Alors Ali repartit, se lava, puis il revint vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et dit, lorsque je suis arrivé, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah pour moi avec des invocations que j'aurais préféré plus que des chameaux rouges et noirs. Et ce hadith prouve, mes chers frères et sœurs, que si un musulman a un mort non-croyant ou de sa famille, alors il peut le mettre dans une tombe et le cacher dans une tombe. Et là, nous revenons à la parole du prophète, alayhi salatu wa sallam, va le cacher dans une tombe. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas dit, va l'enterrer. Et de ce fait, cacher dans une tombe est plus général que l'enterrement. Le non-croyant se fait ainsi cacher et ensevelir dans une tombe. Non comme les musulmans. Par exemple, on ne le met pas dans un fossé, Allah, et on ne le dirige pas, et on ne dirige pas son visage vers la Qibla. Et les savants ont dit que si un musulman trouve une autre personne pour lui confier la tâche de mettre un non-musulman dans une tombe, alors il a le droit de lui confier cette tâche, mais il n'a pas le droit de l'aider, car l'enterrement est un honneur de la part d'Allah Azza wa Jal. Sachez également qu'il est autorisé qu'un musulman enterre un non-musulman en cas de nécessité extrême, s'il craint qu'il lui fasse mal, qu'il éprouve de la pitié pour lui. Et la preuve en est ce que l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim rapportent. Selon un groupe de compagnons, et parmi eux, Abu Talha al-Ansari, radiallahu anhu. Celui-ci a dit, le jour de Badr, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ordonna de jeter les cadavres de 24 les plus vaillants de Quraysh dans un puits mauvais et délaissé. Ils se sont tous fait jeter dedans, les uns sur les autres, y compris Umayya ibn Khalaf. Car son corps s'était gonflé dans son armature jusqu'à ce qu'elle se remplisse, et alors on est allé le prendre car il s'était décomposé et désintégré, et ensuite ils l'ont laissé et l'ont couvert avec des pierres et de la terre. C'est de cette façon qu'est caché et couvert un non-musulman. Et la tradition du prophète alayhi salatu wassalam dit que le musulman doit se faire enterrer dans un cimetière avec ses frères, et il est interdit qu'il se fasse enterrer dans son terrain à lui et chez lui par exemple, excepté le prophète alayhi salatu wassalam et ses deux compagnons, et ceci est particulier pour eux. Aïcha radiallahu anha rapporte un hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi et authentifié par Shaykh al-Albani rahimahullah, et elle dit radiallahu anha, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam est mort, les gens divergeaient sur l'endroit où il allait être enterré. Est-ce dans le cimetière d'Al-Baqir avec ses compagnons, ou bien dans sa chambre? Et alors, Abu Bakr radiallahu anhu dit, j'ai entendu une parole du prophète alayhi salatu wassalam que je n'ai jamais oubliée. Quiconque des prophètes Allah fait mourir dans un endroit, Allah aime qu'il soit enterré dans ce même endroit. Et alors il est enterré dans le même endroit où il est mort, alayhi salatu wassalam. L'imam Muslim rapporte, selon Abi Hurayrata radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne faites pas de vos maisons des cimetières. C'est-à-dire, il a interdit d'enterrer dans nos maisons. Et le péché devient encore plus immense si l'enterrement a lieu dans des mosquées, car le prophète alayhi salatu wa sallam a maudit la personne qui accomplit cela, comme dans le hadith rapporté par Aïcha radiallahu anha et rapporté par l'imam Muslim et l'imam al-Bukhari. Celle-ci nous dit, Allah a maudit ceux qui ont fait des tombeaux de leurs prophètes des mosquées. Et ce hadith a plusieurs explications. Il concerne celui qui se prosterne sur les tombes, et également celui qui se prosterne vers les tombes, et celui qui construit des mosquées sur les tombes, et ceux qui mettent des tombes dans les mosquées. Al-Hafid ibn al-Iraqi, rahimahullah, a dit que si une personne construit une mosquée avec l'intention de se faire enterrer à l'intérieur, et ceci est très connu, cet acte est interdit et est concerné par ce hadith. Et si la personne qui meurt écrit cela dans son testament, c'est-à-dire qu'il écrit dans son testament une condition de se faire enterrer dans une mosquée, alors il ne faut en aucun cas exécuter le testament. L'obligation est que les musulmans doivent se faire enterrer avec et parmi les musulmans, et non dans leur maison, dans leur jardin ou dans leur terrain, et encore moins dans des mosquées. Et y compris les martyrs et les martyrs des batailles. Ils seront morts et ils seront enterrés là où ils auront été tués. Et le martyr ne doit pas être déplacé de son pays ou de l'endroit où il est mort. Et la preuve en est ce que l'imam Ahmed rapporte. Selon Jabir radiallahu anhu, celui-ci a dit: j'étais parmi ceux qui ont vu les morts de Uhud, le jour de Uhud. Et j'ai vu ma tante qui a mis les cadavres de mon père et de mon oncle sur un chameau pour les emmener à Médine afin de les enterrer là-bas. Et alors le prophète alayhi salatu wa salam envoya un homme pour dire aux gens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a ordonné de remettre les morts dans leur lieu où ils ont été tués et de les enterrer dans ce lieu-là. Et il dit: enterrez-les là. Et voilà quelques lois juridiques qui concernent ce qui se passera avant l'enterrement. Fala ilaha illallah, ayyuhal muslimoun. Nous ne savons pas quand est-ce que nous allons mourir, et nous ne savons pas où est-ce que nous allons mourir, et nous ne savons pas où est-ce que nous allons être enterrés. Alors, certes, je demande à Allah qu'il nous fasse mourir sur le monothéisme pur et sur la foi sincère. Et ainsi Allah est véridique lorsqu'il nous dit: وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيْ أَرْضٍ تَمُوتٌ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Et personne ne sait ce qu'il acquerra demain, et personne ne sait dans quelle terre il mourra, car certes Allah est omniscient et parfaitement connaisseur. Et l'imam Ahmed rapporte de même avec une chaîne de transmission authentique et authentifiée par Cheikh Al-Albani, rahimahullah, selon Abi Hurayrata radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsqu'Allah veut faire mourir une personne dans un lieu précis, alors il fait en sorte qu'il aura à faire des affaires dans ce lieu. Et j'implore Allah azza wa jal, par son immense nom, par lequel lorsqu'il est questionné il répond, et par lequel lorsqu'il est invoqué il donne, qu'il nous fasse mourir de la meilleure des façons. إِنَّهُ وَلِيُّ ذَلِكَ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. Et en tenant ces propos, j'implore le pardon à Allah pour moi ainsi que pour vous. وَأَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. Mes chers frères et sœurs, voilà ainsi ce que vous avez appris parmi quelques lois juridiques précédant l'enterrement du mort. Et sachez que s'il n'y a pas de cimetière musulman, alors dans ce cas-là, il est autorisé d'envoyer le mort, et il est autorisé de le déplacer du pays où il est mort. Et la preuve en est, c'est que Saad ibn Abi Waqqas radiallahu anhu, et que Saad ibn Zayd sont morts dans un lieu qui s'appelle Al-Aqiq, puis ils se sont fait rapatrier dans la ville d'Al-Madina, afin d'avoir la bénédiction sur le fait de se faire enterrer près de leur prophète, alayhi salatu wassalam. Et ensuite, sachez qu'il faut que toute personne se charge d'enterrer les morts, et il faut qu'ils connaissent quelques lois juridiques, comme le fait de bien creuser la tombe et de bien l'approfondir, c'est-à-dire qu'elle soit bien profonde. Et la preuve en est ce que le prophète alayhi salat wa salam a demandé le jour de Uhud sur la façon d'enterrer, et il a dit alayhi salat wa salam: approfondissez la tombe et perfectionnez-la. Creusez et perfectionnez. Ou comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Et le hadith est rapporté par les gens de Sunan. Et c'est un hadith de Hisham ibn Amr radiallahu anhu. Et un jour, il est sorti alayhi salatu wassalam dans un convoi funéraire d'un homme parmi les Ansar. Et alors le prophète alayhi salatu wassalam s'est assis au bord d'une tombe que l'on était en train de creuser, et il a ordonné à la personne qui creuse de l'élargir au niveau de l'endroit où la tête doit être établie, et qu'à l'endroit également où les pieds doivent être mis, de l'élargir également. Et ce hadith a été rapporté par l'imam Daoud, par l'imam Abu Daoud et par l'imam Al-Bayhaqi. Et le devoir est d'améliorer le creux et le fossé des tombes pour les musulmans. Omar radiallahu anhu nous dit, lorsque vous creusez une tombe, faites en sorte qu'elle soit plus profonde que la hauteur d'un homme. Mais ce que les gens font de nos jours, c'est tout à fait le contraire. Nous avons vu plusieurs tombes dans certains pays qui n'ont pas été creusées comme l'a indiqué la Sunna. Et le mieux pour la tombe, c'est qu'elle soit composée d'un fossé, c'est qu'elle soit un sépulcre. Allah. Et celui-ci est un trou qui se creuse dans un des deux côtés de la tombe, dans la direction de la Qibla. Et le mort entre et se fait enterrer dans ce trou. Et ceci est le mieux car la tombe du prophète alayhi salatu wassalam est comme cela. Et la preuve en est ce qu'ont rapporté l'imam Ahmed et l'imam Ibn Majah avec une chaîne de transmission bonne. Comme a dit l'imam Ibn Hajar selon Anas radiallahu anhu. Celui-ci a dit lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est mort, un homme qui creusait des tombes avec des sépulcres, c'est-à-dire Allah, dans un des deux côtés de la tombe, et un autre qui creusait des tombes sans sépulcre, c'est-à-dire sans fossé, se sont présentés. Et alors les compagnons voulaient choisir la meilleure chose pour le prophète, alayhi salatu wassalam, et dont Allah serait satisfait. Et alors ils ont fait la prière de l'istikhara, ils ont fait la prière de la consultation, et ils ont appelé tous les deux hommes. Et on dit entre eux que celui qui arriverait le premier, ce serait celui qui creusera la tombe du prophète, alayhi salatu wassalam. Le premier arrivé fut celui qui creuse les tombes avec les sépulcres, c'est-à-dire avec les fossés. Telle est la tombe ainsi du messager d'Allah, sallallahu alayhi wasallam. Et Allah a choisi ce qui était le mieux pour son prophète, alayhi salatu wassalam. Et c'est pour cette raison que Sa'd ibn Abi Waqqas a enjoint dans son testament et a dit, lorsque je mourrai, creusez-moi un fossé et après m'avoir déposé dedans, mettez des briques séchées pour la refermer, comme a été fait avec la tombe du prophète alayhi salatu wassalam. Alors le mieux, mes chers frères et sœurs, c'est le fossé Allah. Et les gens du Sunan ont rapporté avec une chaîne de transmission authentique. Selon Ibn Abbas radiallahu anhuma, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le fait de creuser un trou du côté de la Qibla dans la tombe pour mettre le mort à l'intérieur est propre à nous les musulmans. Et le fait de creuser un trou au milieu de la tombe est pour les autres. Et ceci est conseillé dans de la terre dure et non fragile. Car si la terre est du sable par exemple, le mieux est de creuser une tombe normalement. Et sachez également, mes chers frères et sœurs, qu'il est interdit d'enterrer nos morts pendant quelques moments précis de la journée, comme l'imam Muslim rapporte. Selon Uqbat ibn Amir radiallahu anhu, celui-ci a dit, il y existe trois moments de la journée pendant lesquels le prophète alayhi salatu wassalam nous a interdit de faire la prière ainsi que d'y enterrer nos morts. Le premier moment est lorsque le soleil se lève, entre le moment où le soleil se lève et le moment où il s'écarte du sol de l'équivalent d'un javelot ou de deux javelots. C'est-à-dire une demi-heure après que le soleil se soit levé. Pendant ce temps, il est interdit d'enterrer un mort, sauf en cas de nécessité extrême, comme l'ont affirmé les savants. Et par exemple, si on a peur que le mort se décompose rapidement. Le deuxième moment, entre le moment où le soleil est au milieu du ciel jusqu'à ce qu'il commence à s'incliner. Et ceci, c'est pendant une demi-heure avant la prière du dhuhr. Et le troisième moment, une demi-heure avant que le soleil se couche. Pendant ces trois moments, il est interdit d'enterrer nos morts, sauf en cas de nécessité extrême. Et les savants ont dit également qu'il est détestable d'enterrer le mort la nuit. Car l'imam Muslim rapporte que Jabir radiallahu anhu a dit, un jour, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, prêchait à les gens en mentionnant un de ses compagnons qui était mort et qui a été enveloppé dans son linceul de façon inconvenable et il fut enterré la nuit. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, réprima cet acte d'enterrer un mort la nuit sans faire la prière sur lui, à moins que l'on soit obligé. Puis il dit, alayhi salatu wa sallam, lorsque l'un d'entre vous meurt, que son frère musulman l'enveloppe dans son linceul convenablement s'il le peut. Mais la loi juridique affirme seulement qu'il est détestable et non pas interdit. Il est détestable d'enterrer un mort la nuit, pourquoi cela? Car il se peut qu'il ne soit pas bien enseveli, et il se peut qu'il n'y ait pas de musulmans pour prier sur lui, ni pour assister à son convoi funéraire. Et ainsi, ils craignent également de marcher sur les tombes des musulmans et de leurs frères. Telles sont les causes qui font que l'enterrement du mort la nuit est détestable. Mais nous avons dit, excepté en cas de nécessité extrême, car le prophète alayhi salatu wasalam a été enterré certes la nuit, ainsi que Abu Bakr radiallahu anhu, et ainsi que la femme qui nettoyait la mosquée, et d'autres parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wasalam. Et dans le sunan de l'imam al-Tirmidhi, avec une chaîne de transmission bonne selon Ibn Abbas radiallahu anhuma, celui-ci a dit que le prophète alayhi salatu wasalam a fait entrer un homme parmi ses compagnons dans un enterrement la nuit. Puis alors, on lui a apporté de la lumière et ceci se passa lors de la bataille de Tabouk. Et nous finissons avec ce hadith. Lors de la bataille de Tabouk, selon Ibn Mas'ud radiallahu anhu, se trouvait un compagnon parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wasalam qui est mort. Et alors, dans le chemin de Tabouk, ils ont creusé pour cet homme sa tombe. Et ensuite, le prophète alayhi salatu wasalam descendit dans sa tombe de lui-même. Bilal, radiallahu anhu, avait pris une flamme de feu et était debout au-dessus de la tombe et éclairait la tombe. Omar et Abu Bakr, radiallahu anhuma, donnèrent cet homme au prophète, alayhi salatu wasalam, dans la tombe. Et alors celui-ci leur dit, « Rapprochez de moi votre frère. » Et alors le prophète, alayhi salatu wasalam, le mit dans sa tombe avec ses nobles mains, puis il sortit et confia le reste de l'affaire et de la tâche à Omar et Abu Bakr, radiallahu anhuma. Et lorsque sa tombe était vide, c'est-à-dire lorsqu'ils sont sortis de sa tombe, le prophète, alayhi salatu wasalam, se leva en direction de la Qibla, et il a levé ses mains et il dit, « Oh Allah, je suis satisfait de lui, je suis satisfait de lui. » Et alors Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, dit, « J'aurais aimé être à la place de ce mort dans cette tombe. » Telles sont quelques lois juridiques, mes chers frères et sœurs, qui précède l'enterrement du mort. Et nous vous les avons dites avec un bref aperçu, et nous demandons ainsi à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous les rende utiles pour nous ainsi que pour vous, et pour tous les musulmans présents et absents. Et je demande et je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique de ce prêche ne peut provenir que d'Allah seul, et que toute erreur ou omission ou oubli ne peut provenir que de votre humble serviteur ou de Shaytan. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il évoque en bien auprès de lui dans les grandes assemblées, et qu'il préserve de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, et qu'il accorde sa bénédiction à lui ainsi qu'à sa famille, à son noble messager, ainsi qu'à sa famille, ses bien-aimés, ses compagnons, et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Et toutes les louanges appartiennent à Allah le Seigneur, et toutes les louanges appartiennent à Allah le Seigneur de l'univers.